Chapitre 31, page 215. Exercice 4. 1. Si tu avais vu la boutique de ce brocanteur, il y avait de tout partout. Des objets hétéroclites empilés dans tous les coins, on ne s'y retrouvait plus. 2. Dans cette situation, le professeur n'avait pas à intervenir, ce n'était pas à lui de le faire. Il s'est pris pour un parent, ce qui n'est pas acceptable. 3. La négociation a été très dure entre ces deux partenaires commerciaux, mais Ariane a fortement résisté et n'a rien concédé. 4. Ce jeune skieur se croyait assez fort pour participer à la compétition, mais il n'avait pas le niveau et il a renoncé. 5. Par tempérament, Blaise n'a jamais accepté l'autorité. Pire, dès qu'on lui impose quelque chose, il ne l'accepte pas.